Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro, comme à l'habitude, avec vous jusqu'à 18h30. Et on continue, on plonge dans la sphère, dans l'univers du 9e art. Univers qu'on va explorer dans différents axes cette semaine avec un petit biais autour de l'idée de l'édition. En deuxième moitié, on aura le plaisir de jaser avec Frédéric Gauthier, qui est éditeur du côté de La Pastèque. La Pastèque qui, au fil des dernières semaines, des derniers mois, de la dernière année, accumule les projets et la variété de projets et d'initiatives autour, évidemment, de leur 20e anniversaire. Alors, on avait envie de se faire une petite mise à jour. En fait, ça s'avérait peut-être un brin nécessaire. Alors, entre autres, parce qu'ils ont annoncé une adaptation audio de Paul dans le Nord. Entre autres, parce qu'on n'a pas parlé de leur projet virtuel et physique. Et donc, l'espace galerie boutique qu'ils ont ouvert à Montréal au fil de la dernière année. Des projets, évidemment, tout garnis, on en avait parlé, mais d'autres initiatives autour du facteur de l'espace qui nous amène donc vers l'univers du web. Et en parallèle, un projet d'exposition qui s'appelle 20 fois La Pastèque, où l'équipe de l'éditeur a invité des artistes visuels à réinterpréter des pages couvertures des albums de la maison d'édition au fil des 20 dernières années. Alors, vous voyez, un beau sujet, une belle variété de sujets. Alors, on fera un peu la liste d'épicerie avec Frédéric Gauthier, donc, je le rappelle, en deuxième moitié d'émission. Et dans quelques instants, on aura le plaisir de jaser et d'échanger avec Julien Poitras et Christian Kennel. Je parlais de liens autour de l'édition, puisque Julien Poitras est éditeur de Moelle Graphique, et avec Christian Kennel et d'autres, ils ont lancé une autre OBNL qui s'appelle Moelle Graphique, mais avec un K, donc terme plus court, pour un circuit d'édition peut-être plus court. On sort un peu du livre objet, du livre artisanal, pour arriver avec une impression plus classique et avec une diffusion peut-être plus large également. Alors, on va en parler avec eux, oui, de la structure, mais aussi de l'ouvrage, puisqu'ils nous ont offert un album double qui nous entraîne dans l'univers de l'horreur et du fantastique au Québec et à Québec. Alors, on aura l'occasion donc de leur en jaser dans quelques instants. Alors, c'est le menu pour cette semaine. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook. On partage pas mal d'actualités de ce côté-là. facebook.com/lavieenbd. Et également, tranquillement, on commence à mettre les balado-diffusions de la saison sur lavieenbd.wordpress.com. On se lance donc vers cette première rencontre en mentionnant donc qu'on a toujours Gamergate qui nous accompagne cette semaine. Et ben on se lance avec donc cette première rencontre de l'émission. Julien Poitras et Christian Kennel sont avec nous. Bonjour à vous deux. Salut Raymond. Alors, je vais ouvrir le bon micro. Christian, bonjour. Salut. Voilà. Alors, en fait, on parle donc, je le mentionnais d'entrée de jeu, donc nouvelle structure éditoriale que vous vous êtes donnée collectivement, en fait, et nouvel album également que vous nous donnez par le biais de cette structure-là. Peut-être commençons par parler de la structure elle-même. En fait, c'est tout récent, là, ça a été annoncé par le biais des médias sociaux, entre autres. Moi, le graphique, mais avec un K. Peut-être, dans le fond, les gens qu'on retrouve dans cette maison-là sont des collaborateurs de Moelle Graphique. Peut-être, Julien, d'abord, d'emblée, on change un peu de rythme d'édition, de cadre d'édition avec l'idée et le concept de Moelle Graphique. Oui, tout à fait. Bien, écoute, en septembre, Raymond avait parlé un petit peu de la structure éditoriale de Moelle Graphique QUE. Dans le contexte, ça faisait 10 ans, donc on est en opération avec l'idée d'une approche très artistique, avec des livres liés à la main et autres. C'est certain qu'à travers cette évolution-là, est né également le désir de diffuser davantage ces albums-là, puisque le mode de production faisait en sorte que c'était des tirages limités, quelques dizaines d'exemplaires qu'on plaçait dans certaines librairies choisies et qu'on montrait en exposition et en vente dans certains festivals. L'idée d'avoir une diffusion plus large de certaines œuvres en bande dessinée donc est venue au fil des années. Puis là, bon, après avoir discuté avec Christian, avec Alain, avec Pierre et avec Yves, on s'est dit, bon, on va se lancer et puis on va créer cette nouvelle structure-là pour nous permettre d'atteindre la diffusion qu'on voulait atteindre à ce moment-là. Et Christian, en fait, c'est une structure d'OBNL, donc vous êtes plusieurs à être là-dedans, donc c'est plus juste la bibitte à Julien, c'est une bibitte collective que vous vous donnez, là. Oui, ça demande quand même pas mal de courage de la part de Julien, je veux dire, de laisser aller un peu son bébé. Mais en même temps, moi, ce que j'ai eu beaucoup d'expérience, en fait, dans un OSBL, parce que j'ai eu l'expérience avec Studio Première Ligne à l'époque, à Gatineau, puis Neige Galerie. Donc, j'ai mis sur pied un de ces deux organismes-là. J'ai été président du conseil d'administration, donc le rôle, je connais. Puis, je voulais apporter quelque chose à Julien. Je voulais avoir un apport dans sa maison d'édition pour l'emmener encore plus loin, pour diffuser plus largement. Je trouvais ça de valeur qu'on n'ait pas accès à tous ces livres-là, à ces œuvres-là, en fait, à travers le Québec, le Canada, puis pourquoi pas en Europe aussi maintenant. Il y a tellement de choses qui sont rendues possibles. Fait que l'OSBL permet de regrouper nos forces à tout le monde. Je pense à Pierre Skelling, qui est un excellent à l'écriture, tout ça, historien aussi de la bande dessinée. Alain Dufault aussi, au niveau des communications, il est excellent. On a même un comptable avec nous. C'est pas tous les artistes qui partent à un OSBL avec un comptable, donc on en est très fiers. On va le garder, on va en prendre soin. Donc, on se donne cette nouvelle structure-là pour pouvoir porter plus loin les albums. Et évidemment, ben, en fait, quand on lance une structure, c'est toujours plaisant d'avoir aussi un produit, un album à lancer. J'ai envie qu'on creuse justement autour de cette proposition-là. D'emblée, une formule quand même assez particulière dans la mesure où c'est deux albums en un, on pourrait dire, ou un album double. Vengeance primitive, donc de Christian Quesnel, adapté d'un texte de Louvigny de Montigny. Et de l'autre côté, Une nuit ensorcelée de Philippe Aubert de Gaspé, adapté en BD par Julien Poitras. Pourquoi avoir choisi cette structure-là, en fait, double couverture, album dos à dos, si on peut dire, pour le premier titre? Ce qu'on a en fait appelé un diptyque. Et, bon, en fait, c'est le désir d'une collaboration. Puis lorsqu'on avait parlé de moi, le graphique, en septembre, je t'avais souligné, Raymond, l'importance pour moi du lien avec l'auteur. Puis au fil des années également, se sont développées des relations avec différents auteurs, dont Christian, quelqu'un de qui j'admire beaucoup le travail et vice-versa. Donc, est venue l'idée dans les derniers mois, en fait, de collaborer sur un livre. Christian avait déjà cette idée-là, donc, avec Vengeance primitive, d'adapter une légende canadienne-française. Et je ne sais pas quoi, tout est intéressant. On a regardé les différentes légendes qui étaient disponibles et puis je me suis lancé également à mon tour. Il y a comme une unité en fait formelle à l'intérieur de ce livre-là qui est intéressante. Donc il y a quand même un jeu. Et on parlait tout à l'heure de se donner un pouvoir de distribution plus large, mais il reste que on travaille quand même notre produit. Là, c'est un livre qui est intéressant et qui est une proposition qu'on ne voit pas si fréquemment que ça, un livre qui est tête bêche comme ça. En fait, le point de départ, c'est j'ai emporté une résidence en Bavière du Conseil des arts des lettres du Québec. Puis une résidence, on peut pas faire un album de 48 planches avec ça. Donc moi, j'ai fait une BD de 24-25 planches. C'est pas suffisant pour faire un album. Puis là, c'est là que j'ai pensé, et ce serait bien de faire un diptyque avec Julien, dont le style s'apparente au mien. Puis on pourrait travailler sur des légendes canadiennes françaises, mais adaptées au monde d'aujourd'hui, qui sont contemporaines. Oui, puis je trouve intéressant d'ailleurs parce que, première mention, premier élément, on parle souvent d'histoires courtes, de courts récits, de courtes nouvelles, mais quand on est dans des collectifs, c'est des 12 planches, des 8 planches, c'est des récits courts. Ici, en fait, tu le mentionnes, 24 planches, on n'est pas dans le récit long, mais on n'est pas dans le récit court non plus, on est dans l'intermédiaire, dans l'interstice entre les deux, et celui pour lequel il n'y a pas tant, justement, de possibilités de diffusion non plus. Donc ça, il y a un intérêt d'aller explorer quand même le 24 planches lui-même se distingue un peu de ce côté-là. Ben, je trouve qu'il y a aussi une certaine complémentarité entre les deux récits, ce qui amène l'idée de la... Bon, 24 planches, on peut pas faire un album avec ça. Je l'ai testé quand même en Allemagne. Ben, j'ai participé au Festival d'Erlangen, puis je l'ai sorti seul, Vengeance primitive en allemand. Ça a super bien fonctionné, mais tu peux pas le vendre à un prix quand même très élevé. Mais là-bas, ils ont quand même les imprimeurs qu'il faut pour avoir des prix compétitifs. Sauf que dans le récit de Julien qui vient s'ajouter au mien, il y a quelque chose, il y a un univers qui est commun aussi. Donc, les gens ont l'impression vraiment d'avoir un album en entier. Ben, c'est ça que c'est, en fait. Mais c'est deux courts récits dans un album. Donc, les gens, je pense qu'ils ont l'impression vraiment d'avoir un album classique, mais les univers se parlent, les couleurs, tout ça. Puis, il faut dire, j'ai fait la BD, la mienne, puis par la suite, Julien est venu ajouter la sienne. Donc, il y a quand même des éléments comme s'illustrer nous-mêmes dans nos propres récits. Ben, Julien a fait la même chose que moi là-dessus. Bon, donc, c'est toi qui avais un peu amorcé les éléments, puis c'est à partir des codes puis du cadre graphique, Julien a été chercher un peu là-dedans pour s'inspirer puis voir un peu à l'unité visuelle, dans le fond, entre les deux récits. Tout à fait, exactement. Puis, c'est un défi qui est intéressant également pour un auteur de bande dessinée sur une collaboration comme ça. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est un type de recueil sur 24 pages qui n'est pas si fréquent que ça. Puis je pense que ça appelle au fait que l'esprit moelle graphique qui demeure dans cette nouvelle entité-là, à savoir comment est-ce qu'on peut dépasser un peu les frontières de ce qu'on voit habituellement sur le marché, puis comment est-ce qu'on est capable d'amener des propositions différentes au lecteur. Et au niveau du récit lui-même, on l'a mentionné, donc des adaptations de contes, de récits traditionnels, de récits légendaires québécois. Julien, avec Philippe Aubert de Gaspé, on va un peu vers la Corriveau. Du côté de Montigny, voilà, on va un peu plus vers un mythe de loup-garou. Peut-être d'emblée, pourquoi ces deux textes-là, pourquoi ces deux auteurs-là? De Montigny, en fait, c'est parce que sa légende se déroule dans un village qui est près du mien, en Outaouais, qui est... Ça se déroule à Duhamel, à la fin du 19e siècle. Puis c'est extrêmement rare, des textes, des contes et légendes qui se déroulent dans mon coin. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de l'adapter au coin que je connais aujourd'hui, pas au Duhamel de 1890. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, c'est des paysages que j'ai toujours rêvé, parce que je travaille sur des trucs où, puis j'illustre pas la nature qui m'entoure, alors que j'adore ce que je vois autour de chez moi. J'adore mon pays, j'y viens à Québec, j'ai le goût de dessiner Québec. Fait que pourquoi qu'on l'illustre jamais? Moi, c'est ça, ça m'a donné le goût de faire ça. Donc la forêt de l'Outaouais est immense, puis est extrêmement variée, puis la nature, écoute, à chaque fois que je suis allé à Duhamel, j'ai vu un chevreuil, donc j'avais le goût d'en dessiner des chevreuils, je l'ai fait, je me suis payé la traite, puis Louvigny de Montigny, je connaissais pas du tout, en fait, je suis tombé dessus par hasard, puis je trouve ça intéressant de faire ressurgir en fait à la surface des légendes comme ça qui sont disparues, que personne connaît. La Corriveau, oui, un peu plus, mais Louvigny de Montigny, complètement oublié. Pourtant, c'est un personnage connu en son temps. Je suis tombé sur un livre de Lapam, une rétrospective de son œuvre, puis il a fait une caricature de Louvigny de Montigny. Donc, c'était quand même un personnage assez connu à l'époque, là. Donc, vraiment, l'angle géographique au départ qui t'a attiré la possibilité de mettre en scène justement ton coin de pays. Donc, nécessairement, ça veut dire aussi qu'il y a une part de recherche visuelle qui était déjà un peu faite, amorcée. On savait un peu comment on voulait amener ce coin-là dans le contexte d'un récit fantastique, là. Puis le fait d'être en Allemagne aussi, le fait d'être à l'étranger, il y a un sentiment de nostalgie, de mélancolie qui se développe, d'appel du Québec. Je me sens jamais autant québécois que quand je suis à l'extérieur du Québec, bizarrement. Puis ça donne les images que ça donne. Écoute, j'ai produit les 24 planches, 80 quelques images en 3 semaines et demie, parce qu'il fallait produire le livre aussi. Mais je me suis mis vraiment à être dans la forêt québécoise en Allemagne. Puis en Allemagne, justement, la forêt là-bas ressemble beaucoup à la forêt québécoise. C'est surprenant. Et Philippe Aubert de Gaspé, Julien, qu'est-ce qui t'a amené vers... En fait, c'est un peu des recherches suite à la proposition de Christian à l'égard de légendes canadiennes françaises. Moi, j'en ai exploré quelques-unes. Il y a encore là un lien géographique, puisque c'est une histoire qui se passe sur la rive sud de Québec, à Lévis. Moi, je travaille là professionnellement. Et je connais également pas mal la rive sud. Je me promène dans ces coins-là en vélo. Ça fait que ça m'a inspiré pas mal cet aspect-là de lieu que je connais, donc qui pouvait être facilement mis en image. Mais également se tremper également dans l'histoire de ce coin de pays-là, Saint-Vallier, d'où vient la Corriveau. C'est quand même assez intéressant de mettre ces éléments-là en image et de les intégrer dans une histoire qu'on actualise. Donc, c'est ce qui a vraiment gagné mon cœur à Philippe Aubert de Gaspé, cette histoire-là. Oui, puis un peu le même parcours, dans le fond, que Christian. Donc, d'un côté, l'aspect géographique qui séduit. De l'autre côté, la volonté de l'actualiser, donc de prendre quelque chose qui se déroulait il y a quelques centaines d'années, mais de l'amener, justement, dans le Québec moderne, dans une histoire qui aurait pu se dérouler, bon, j'allais dire hier, mais bon, peut-être il y a un mois. Mm-hmm. Tout à fait, exactement. Puis d'intégrer des nouvelles choses qui touchent à la société québécoise actuelle, ne serait-ce que le fait de mettre en image la marijuana à l'intérieur de ce récit-là. Et au niveau justement de l'adaptation, de la mise aussi à niveau, entre guillemets, au niveau de l'époque, comment on procède? Est-ce que c'était des récits qui étaient... qui, de facto, quand on les lisait, on les voyait un peu dans la mise en scène, on voyait la découpe, ou au contraire, qu'un bon travail d'épuration, de contextualisation, de sélection qui a dû être fait? De mon côté, clairement, oui, dans le sens que il y a certaines images qui venaient à la lecture du récit, mais il faut dire que les deux histoires, Raymond, ont été fouillées à différents niveaux, là. Donc, au-delà de la légende, comment est-ce que tu ajoutes une couche de complexité à cette histoire-là? À l'intérieur, en fait, du texte, il y a tout un questionnement par rapport aux femmes maricides, comment elles étaient traitées dans ce temps-là en Nouvelle-France, les impacts que ça a sur certains mouvements plus récents comme MeToo et ces choses-là. Donc, il y a toute une réflexion en arrière là, qui se joue une fois que tu as lu le texte et que tu te le figures dans un Québec de 2018. Comment est-ce que tu rattaches certains éléments de la réalité sociale et culturelle du Québec à ce récit-là? Oui, c'est un point important que tu mets parce que sinon, ça fait juste changer de décor. Exactement. Alors, tu peux pas changer le décor physique sans considérer le décor social, le contexte. Tout à fait. Puis Christian a fait des choses semblables. Je ne sais pas souvent parler, Christian, mais l'intégration de textes allemands. Oui, ben moi, j'ai travaillé avec des anthropologues. Ben, je n'ai pas travaillé avec, mais à partir de textes d'anthropologues allemands du 19e siècle qui ont été les premiers en contact avec certains peuples amérindiens aux États-Unis, en Amérique du Nord en général. Je trouvais ça intéressant de mettre les observations qu'il y avait sur ce qu'on appelait à l'époque les « sauvages », entre guillemets, puis de les appliquer à la bête en question dans la légende canadienne-française. Donc, il y avait plusieurs couches, plusieurs regards, en fait, de plusieurs sociétés, des croisements. Moi, c'est beaucoup dans ma démarche, ça s'inscrit beaucoup dans ma démarche de travailler en superposant des couches issues de différentes cultures. Parce que c'est vraiment ça, le métissage. Puis le Québec, c'est ça qu'on est. On est une société métissée. On est de souches plurielles. Quand on dit qu'on est Québécois de souche, on l'est tous, mais c'est des souches qui sont plurielles. Donc, je travaille de la même façon, avec le même mode de pensée dans mes récits. Puis c'est sûr qu'à travers Vengeance primitive, il y a aussi le discours environnemental. À force de saccager la nature va s'en virer contre nous. Là, c'est certain, là. Et donc, on part un peu de ces éléments-là, on les intègre et parallèlement, ben, on développe aussi, j'imagine, l'environnement visuel de tout ça, les ambiances, les couleurs. Et là-dessus, en fait, autant il y a des éléments, on l'a vu au niveau thématique qui s'unissent, autant au niveau, j'ai l'impression, au niveau des couleurs, de l'ambiance qui ressort, on n'est pas dans le même horreur, dans le même fantastique du côté de Christian, je le percevais, je le dis comme lecteur, tu me diras comment tu le souhaitais comme auteur peut-être, là, puis tu me diras peut-être que j'étais dans le champ, mais dans le fond, vraiment une ambiance qui est plus, à la limite un peu claustrophobique, dans le fond, il y a une dynamique de, on est dans la forêt, mais la forêt où on, dans un contexte où on a l'horizon coupé, avec la brume, avec la noirceur, les ténèbres. Le ciel est bas, ouais. Le ciel est bas, les couleurs, c'est des gris, c'est des noirs, c'est des couleurs sombres, en dehors peut-être du sang, du rouge, qui vient un peu étayer les éléments, mais sinon, on est beaucoup dans un côté très claustrophobique, peut-être, là. Ben, j'ai aussi fait en sorte que les couleurs sont devenues complètement, presque éliminées. C'est sûr que je travaille avec de l'aquarelle en couleur. Mais certaines couleurs, mais sont très proches du papier. Puis c'est vraiment une nouvelle expérimentation pour moi, Vengeance primitive. Je travaille pour la première fois sur des papiers de couleurs. Pour moi, Vengeance primitive, c'était l'occasion d'expérimenter quelque chose qui a bien marché dans ce cas-là, sur un papier bleu. Mais là, présentement, je suis en train de travailler, vois-tu, j'applique la même technique sur un autre projet, qui est une commande de la faculté de criminologie de l'Université d'Ottawa. On travaille sur un ouvrage sur le suicide au Québec. Puis c'est totalement dans le ton de travailler en monochrome, puis on peut jouer avec les temps en changeant tout simplement de couleur de papier. On peut changer d'époque comme ça facilement. Donc c'est vraiment ce qui donne un peu cette charge particulière aux pages, et le choix justement de pas travailler sur du papier blanc, sur un fond blanc, donc de s'amuser un peu avec cette texture-là au départ. Mais ça devient partie prenante de la narration, en fait, ce choix-là. Puis, vois-tu, les interventions de sang, des choses comme ça, ça vient puncher, c'est comme des... ça crée des climax, en fait, un effet pour élever quelque chose au niveau de ce fil narratif esthétique-là qui apparaît tout au long du récit. Pour moi, c'est important d'envelopper le lecteur le plus possible dans une ambiance. J'ai fait ça avec la musique, là, avec Ludwig, mais je veux dire, c'est possible aussi de le faire simplement en utilisant le crayon, le papier, puis les couleurs. Oui, puis j'ai bien aimé le terme que tu as amené quand tu dis que ça devenait presque à monnaie saturée, comme si la couleur s'en allait au fur et à mesure que le récit avançait. Puis effectivement, on le sent, puis ça crée une relation particulière avec le livre, disons, une dynamique où, même si, tu sais, la première lecture, des fois, tu le feuillettes, puis on dirait comme quelque chose qui happe dans cette ambiance-là, qui accroche parce que, justement, il y a l'absence ou le côté monochromique, mais qu'on sent pas monochromique non plus, c'est l'espèce de, justement, de mettre le doigt sur pourquoi on ressent ce... Il y a un film qui existe, que j'ai vu, qui m'a beaucoup influencé, c'est un film québécois, Sur le seuil. Pour moi, c'est monochrome d'un bout à l'autre, mais il y a un côté, il y a le vert, l'utilisation du vert là-dedans qui vient, qui est toujours, ça se passe dans un hôpital d'ailleurs, la plupart du temps. Puis, pour moi, c'était une révélation à ce moment-là. Puis j'ai toujours voulu faire ça, mais ça, bon, il a fallu quelques années pour que je m'y mette. Mais ça devenait un autre personnage, ça devenait un autre intervenant à nouveau qui pouvait remplacer le texte à certains moments donnés. Pas obligé de dire que c'est sombre ou il pleut ou quoi que ce soit, même pas besoin de le montrer, c'est les contrastes de couleurs qui créent ça. Et Julien, quand tu décides de te lancer dans ton adaptation, tu reçois donc cet ouvrage-là, cet environnement-là, et j'avais l'impression que tu as été dans l'autre type de nuit, si on peut dire, à la fin du récit notamment, vers l'explosion, parce que ton récit commence dans un contexte, on a plus l'impression dans une BD classique, si on peut dire, on reviendra peut-être pour la narration du côté de Christian tantôt, et le récit évolue, éventuellement on se retrouve dans le noir, mais avec le néon, l'explosion de couleurs, la sursaturation presque de certains personnages qui va nous chercher un peu cette ambiance d'inconfort-là. Tout à fait. Mais en fait, encore là, c'est mon interprétation du récit. Il y a quand même un foisonnement de personnages à l'intérieur de ce conte-là, avec des diables, avec toutes sortes d'interventions. Il y a également un élément un peu ludique, là, dans le sens qu'on danse, on chante, etc. Donc, ça appelait, à mon sens, cet éclatement de couleurs dont tu parles et qui, à mon sens, sert assez bien le récit à cette étape-là de l'histoire. Oui, ou ça devient un peu une douce folie, parce que, contrairement peut-être au récit de Christian, où on sent intimidé, si on peut dire, par le contexte, par l'horreur auquel on est confronté. Dans le tien, c'est une horreur un peu gentille, même si les personnages sont un peu menaçants, mais c'est une douce menace, on pourrait dire. Effectivement, puis la fin est davantage heureuse que celle de l'histoire de Christian. Et comment on fait la recherche au niveau visuel de ce côté-là? Donc, tu dis au départ, ça ressemble quand même un peu à ton style, mais d'un autre côté, tu es aussi inspiré de l'approche de la méthode de Christian. Donc, comment ça se place? Oui. En fait, je te dirais que c'est vraiment les premières images où je me suis inspiré davantage de ce que Christian avait fait, parce que moi, j'avais déjà accès à son récit à ce moment-là. Et puis, par la suite, bon, je laisse évoluer les choses. C'est sûr que je ne travaille pas comme Christian directement sur le papier. J'utilise beaucoup l'ordinateur. Il y a souvent quelques croquis au plomb qui vont me servir, qui vont être numérisés. Mais par la suite, c'est toute une exploration à l'intérieur des différents logiciels d'éditique là, qui permet de tester, d'essayer différentes couleurs. Donc, il y a toute l'intégration également, on n'en a pas parlé, mais tu parlais tout à l'heure de documentation que Christian est allé chercher. C'est un peu la même chose. Moi, j'ai documenté également les paysages de la Rive-Sud. Je me suis promené de nuit pour aller prendre des photos, puis je me suis servi de ces photos-là par la suite pour aller chercher des couleurs particulières. Et également au niveau, donc, de lorsque l'histoire avance et qu'on se retrouve davantage en situation avec plusieurs personnages, encore là, il y a toute une exploration des couleurs à partir de jeux, de photographies, d'images que je vais puiser un peu partout et qui m'inspire en termes de résultat final. Et ta nuit, tu y vas avec le noir complet. Je veux dire, c'est en fait, ça fait d'autant ressortir justement le côté phosphorescent des couleurs, du rouge notamment, mais la fin de l'album, c'est le fond est noir, là, c'est... Oui, tout à fait. En fait, c'est la nuit après la tempête, parce qu'il y a une tempête initialement au début, mais on se retrouve finalement confronté davantage à ces éclats de couleurs, cet éclatement, en fait, un peu fanfaron là, de diable qui danse, qui chante et qui invite le personnage à joindre cette ronde fantastique et un peu sombre. Et dans le contexte narratif, on en parlait tantôt, dans le fond, donc Julien, plus BD, plus classique en fait, entre guillemets, dans la mesure où on va chercher des dialogues, des échanges, et c'est beaucoup à travers le dialogue et l'action qu'on construit justement l'histoire. Dans ton cas, Christian, il y a des bulles, il y a des éléments de dialogue, mais sont plus limités, on est plus dans un récit narré, complété par l'illustration, puis ensuite un jeu entre justement l'action illustrée et la narration qui apporte du contexte ou qui dirige ensuite l'action, puis notre regard. Donc, est-ce que c'était un peu un a priori au départ? Est-ce que le récit faisait que ces approches-là venaient d'elles-mêmes? Moi, la façon que je travaille, en tout cas, la façon que j'ai travaillé pour ce récit-là, je suis vraiment parti de la légende, puis là, j'ai travaillé le découpage. Puis je ne me suis pas occupé du tout des textes. Je me suis mis à créer les œuvres de la façon le plus, comment je pourrais dire, la façon où on peut se passer le plus possible des textes. Je voulais avoir le moins de texte possible pour laisser justement cette ambiance-là s'installer, puis créer chez le lecteur justement cet étouffement-là, ce côté-là un peu étouffant dans la nature. Puis à ce moment-là, j'ai tout simplement ajouté ensuite les textes des anthropologues allemands, puis des textes directement, c'est du découpage de textes que j'ai fait, du texte directement pris dans la légende aussi, parce que ce qu'il y a dans les phylactères, c'est directement issu de la légende en question. Mais pour revenir, je voulais juste mentionner quelque chose par rapport à son approche. Ben, au résultat final, j'ai vraiment retrouvé Oui, c'est moderne, oui, c'est retravaillé à la Julien Poitras, mais j'ai vraiment retrouvé l'ambiance de Philippe Aubert de Gaspé, de son récit. L'essentiel est vraiment là, puis on est vraiment dans... On perd jamais de vue que c'est Philippe Aubert de Gaspé aussi, puis ça, je trouve que c'est important de mentionner. Il a réussi à conserver ça, malgré son apport personnel à cette œuvre-là. Il faut dire que l'histoire de Philippe Aubert de Gaspé, c'est une histoire où un personnage raconte une histoire. Donc, il y a un niveau de complexité. Puis, je voulais pas perdre cet élément-là. Donc, c'est clair que mon choix personnel était de conserver davantage de dialogue et même dans l'insérer parce qu'il y a comme une histoire supplémentaire qui s'ajoute au début. Donc, il y a un aspect, effectivement, où on utilise davantage le dialogue. Mais je pense que ça sert bien puisque ce que Christian disait, on retrouve un peu l'essence de cette légende-là à l'intérieur de la lecture. Oui, c'est la clé d'adaptation, en fait. Je veux dire, si on a l'impression de... Si on a adapté, c'est garder l'essence et transposer l'essence de ce récit-là vers un autre médium. Si on retrouve pas cette essence-là, l'adaptation n'est pas réussie, objectivement. Ouais, ça peut foirer assez facilement. Et donc, de là, dans le fond, on en arrive avec ces deux produits-là, on les met ensemble. Donc, c'était un peu une première expérience de ce type de proposition. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de réitérer, un peu de jouer? Parce que ça devient presque un peu un récit choral. Dans le fond, on adapte un certain type de récit. Il y en a un qui commence, qui impose un peu un cadre visuel. L'autre s'en inspire pour bâtir le sien. Puis... C'est très ludique comme approche. Puis moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, c'est ça, c'est pas moi qui est arrivé en deuxième. J'avais le rôle un peu plus facile. Mais là, il est question qu'on travaille ensemble sur un projet. Mais là, que ce soit davantage intégré, carrément. Julien travaille sur mes dessins aussi, donc ça va être vraiment il faut définir comment qu'on va travailler, puis encore là l'aspect ludique est là aussi, on va travailler avec un scénariste aussi à ce moment-là. Donc on est en train de réfléchir à la méthode, donc ce sera un produit vraiment à quatre mains, donc comment on se partage le travail, c'est un défi qu'on trouve intéressant, mais nos univers se rapprochent jusqu'à un certain point, donc on pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Puis il y a un auteur pas qui réfléchit, qui veut nous proposer un récit, justement, une autre légende canadienne-française qu'il aimerait illustrer. Donc, on va voir là, si ça va se concrétiser, mais c'est quand même quelque chose... Moi, je trouve que c'est un répertoire qui est sous-utilisé aujourd'hui. Bon, c'est sûr, on sort tout le temps la chasse-galerie, c'est la première chose qu'on sort de notre sac, mais il y en a tellement, c'est fou. Il y en a tellement, puis dans un contexte où, d'un côté, dans le fond, la BD de genre reprend tranquillement ses lettres de noblesse. J'ai l'impression au Québec, il y en a de plus en plus qui essaient d'en faire. Le territoire québécois, tranquillement, se fait remettre en scène au fil de différents albums, souvent historiques, parfois fantastiques, justement. Donc, il y a un heureux contexte de ce côté-là, et où j'ai l'impression aussi, et c'est peut-être moi qui fais de plus en plus de lectures, mais qu'on réussit, en ayant les bons outils, à créer justement un sentiment d'horreur, d'urgence. On réussit à rendre ce style-là à travers la BD, et quand c'est réussi, quand ça fonctionne, il y a quelque chose de très, très satisfaisant, si on peut dire. Autant, j'imagine, pour le lecteur de mon côté, mais j'imagine pour vous aussi, de réussir à dire « OK, l'ambiance claustrophobique, ça marche, l'ambiance un peu hallucinatoire, malaisante, un brin, ça fonctionne aussi. » De réussir à rendre ce sentiment viscéral-là, ça doit être quand même assez plaisant. Ouais, c'est de nous rendre nous-mêmes sur papier quelque part. Il y a ce projet-là, Vengeance primitive, il y a Félix Leclerc qui va sortir au printemps prochain, sur lequel j'ai travaillé. Je me suis beaucoup inspiré des peintures de Jean-Paul Lemieux. Je pense que Jean-Paul Lemieux, ça représente tout un aspect du territoire québécois, de l'hiver, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, puis je l'ai testé sur Facebook, sur les médias sociaux. Les gens adorent ça, adorent se voir. Oui, Montréal, c'est sûr. Mais il y a d'autres choses aussi au Québec qui gagnent à être connues. Il y a tellement des choses magnifiques. Moi, je pense que j'ai passé de ma vie pour tout faire les projets sur lesquels je veux faire. Je veux illustrer le Québec. Donc, ouais. Je pense que c'est des paroles sages. Puis effectivement, ça a toujours été un peu l'idée également de moi, le graphique, c'est de proposer des choses un peu différentes. On est capable, à ce moment-là, dans ce type de projet-là, d'explorer une partie de notre histoire, un pan de notre culture. Donc, je pense que ça enrichit finalement le discours général de la bande dessinée. Moi, le graphique peut devenir un levier de développement culturel intéressant pour ce type de bande dessinée-là, mais pas pour ce type-là, mais il y a quand même... c'est un levier intéressant. C'est pour ça qu'on s'est regroupés ensemble, pour vraiment mettre en place une structure pour promouvoir des œuvres comme ça, mais des œuvres aussi issues du patrimoine québécois, encore une fois, pas juste des légendes canadiennes françaises, mais de la BD qui se faisait là, 50 ans, 60 ans. Pourquoi pas la remettre en avant-plan? Parce que c'est notre patrimoine à nous. Alors, des beaux défis qui s'offrent à l'horizon. Et en fait, question pratico-pratique, donc Une nuit ensorcelée, Vengeance primitive, on le trouve où, le diptyque? Est-ce que c'est une distribution large ou il y a certains BD select? Donc, comme, où on en est? On est en voie de le distribuer bientôt. En fait, il faut dire qu'on avait un impératif, puis on n'a pas parlé du lancement qu'on a fait, mais on a fait un lancement à Duhamel. Donc, pour ce lancement-là, on avait imprimé donc un certain nombre d'exemplaires, mais on est en réimpression actuellement pour cette diffusion plus large-là. Donc, on pourra t'en donner un suivi là, dans les prochaines semaines. Oui, parce qu'on veut venir au festival, on aimerait ça lancer la nouvelle, la nouvelle édition, en fait. Parce qu'on a fait une mise en lecture à Duhamel avec les images, violoncelliste, d'ailleurs une violoncelliste de Limoilou, puis qui s'était déplacée en Outaouais. Puis là, on aimerait faire la même chose au mois d'avril, mais on se croise les doigts. Et ça pourra faire l'objet d'une autre discussion éventuellement, Raymond. Oui. Mais une lecture de bande dessinée publique dans une église, c'est une expérience extrêmement intéressante. Et on en a des beaux lieux à Québec. Exactement. Ouais. Ça amène vraiment une lecture différente du récit. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut explorer également. Alors, on aura l'occasion de s'en reparler. De toute façon, je pense que, Julien, la remise en activité ou la remise à jour de tout ça nous amènera à nous croiser sporadiquement, toi ou tes auteurs et collègues de Moelle Graphique avec un K. Alors, en fait, d'ici là, les médias sociaux, le site Moelle Graphique, on va chercher de l'information aussi. J'invite les gens à vous suivre, évidemment, pour avoir cette information-là. Et je rappelle qu'on parlait donc de la BD Une nuit ensorcelée, donc adaptation de Philippe Aubert de Gaspé par Julien Poitras et de Vengeance primitive, donc nouvelle de Louvigny de Montigny, adaptée par Christian Quesnel. Christian Quesnel, Julien Poitras, merci à vous deux. Merci Raymond. Merci Raymond. Et je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de La vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Sur les ondes 89.1, l'émission La vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et quelques actualités qu'il nous faut mentionner, puisque l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée a rendu public plusieurs de ses sélections, entre autres les 15 albums dans la course au titre pour le Grand Prix de la critique 2019. Alors, une quinzaine d'albums, et généralement, si la tendance se maintient, c'est toujours des bons albums qui nous sont suggérés. Et dans ce contexte-là, ça devient aussi des belles listes d'idées de lecture. Alors, je les mentionne rapidement. Je les ai relayées, d'ailleurs, l'ensemble de ces petites actualités ACBD sur notre blog, donc laviembd.wordpress.com. Alors, les finalistes, c'est L'âge d'or, le tome 1 de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil. Aile froide, Altitude, 39-54 de Jean-Marc Rochette et Olivier Boquet. Batman, White Knight de Sean Murphy. Cinq branches de coton noir de Steve Cusard et Yves Sante. Courte distance de Geoff Winterhart, Essence Pilot Paradise de Fred Bernard et Benjamin Flao, Florida de Jean Dittard, Les grands espaces de Catherine Meurice, et je remonte sur mon document, L'homme gribouillé de Frédéric Peters et Serge Lehmann, Il faut flinguer Ramirez, tome 1 de Nicolas Petrimo, Jonas Fink, tome 2 de Vittorio Giardino, Malater de Pierre-Henri Gaumont, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris, Servir le peuple d'Alex W. Winker et Spirou ou l'espoir malgré tout, le tome 1, donc d'Émile Bravo. Alors, le but du prix, évidemment, est de soutenir et mettre en valeur dans un esprit de découverte un livre de bande dessinée publié en langue française à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou les moyens que l'auteur y déploie. Et puisque nous sommes autour de la CBD, il y a également d'autres finalistes qui ont été dévoilés. Les 5 finalistes pour le prix Jeunesse à CBD 2019. Alors, qui succédera à Imbattable, tome 1, Justice et légumes frais de Pascal Jousselin? Eh bien, donc, 5 albums jeunesse ont été sélectionnés pour l'instant. Et l'appel au vote, d'ailleurs, a été lancé parmi les membres de l'association. Et le prix sera remis, lui, le samedi 1er décembre prochain au Salon du livre et de la jeunesse de Montreuil. Alors, les finalistes, c'est les Cavaliers de l'Apocalypse, tome 1 de Libon, Les Crocs, tome 1 de Léa Mazé, Jack le Téméraire, tome 2 de Ben Hetk, Hong Kong, Le Singe sur le Toit de Yann Autrey et Vincent Villemot, et Mozart de Thierry Jour et Gradimir Smudja. Alors, donc, les 5 finalistes, j'aurai l'occasion assurément de les lire dans les prochains jours, alors je vous en reparlerai selon le cas, mais Jack le Téméraire, le premier tome, j'avais beaucoup apprécié, alors ne serait-ce que celui-là. Donc, à suivre. Et autre prix également qu'il faut mentionner, c'est les listes préliminaires 2019 pour le Grand Prix des libraires, pour les prix des libraires. Alors, ça a été dévoilé tout récemment, donc 4 catégories, 52 titres, et donc la bande dessinée qui avait été ajoutée l'an dernier. Alors, ça avance tranquillement, ça avance tranquillement. Il resterait peut-être, à bon entendeur, un prix BD ajouté pour les prix du gouverneur général du Québec et du Canada, en fait, les prix du gouverneur général qui intègrent tous les styles littéraires sauf la bande dessinée. Je ne m'explique pas pourquoi d'ailleurs. Alors, peut-être un mouvement à faire et de la pression à lancer. Mon commentaire éditorial et je ferme la parenthèse. Donc, pour ce qui est bande dessinée québécoise, pour revenir au prix des libraires, eh bien, on a en fait de très, très beaux titres d'ailleurs, de concerts de Jimmy Beaulieu, Sophie Bédard, Vincent Giard et Saint John à La Mauvaise Tête. Superbe, superbe album. Vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Et je le dis et je le redis. Giant, tome 2 de Michael. Toujours un bel univers graphique qu'il nous propose. Donc, un récit humain. Intéressant. L'Esprit du camp, tome 2 d'Axel Lenoir et Cab. Encore un autre coup de cœur absolu de mon côté. Vraiment une très, très belle série qui mériterait aussi les grands honneurs. La petite Russie de Francis Desharnais chez Pawpaw. Encore là, une belle réinvention, une belle progression pour Desharnais avec ce titre. On en a parlé il y a quelques temps. Encore là, une recommandation de lecture sans hésitation. La vie d'artiste de Catherine Oslo qui propose une série de dialogues et d'échanges sur la création, sur le métier d'artiste, sur les choix qu'on fait dans un style visuel très, très éclaté, un bel objet, un beau récit réflexif aussi. Et un autre coup de cœur absolu, Vogue la valise, l'intégrale de Cyrus qui s'est offert, on le dit, un tour du chapeau dans les dernières semaines, les derniers mois. Donc bref, là-dedans déjà 5 belles, 6 beaux titres. Il y en a là-dedans, je l'ai mentionné, donc ils sont pour moi des recommandations incontournables pour 2018-2019. Alors bien curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont choisir de mon côté entre plusieurs titres. Mon cœur balance, donc... je n'ai pas la pression de faire cette sélection avec quiconque de mon côté. J'en suis bien heureux. Je vous dirais, lisez les 6 et ça va régler le problème de ce côté-là. Et sinon, bande dessinée hors Québec, eh bien, vous avez 5 branches de coton noir qui se retrouvent là aussi, d'Yves Sant et Steve Cusard. L'âge d'or, tome 1, qui se retrouve là aussi, de Cyril Pedroza et Roxane Moreil. Les rigoles de Brecht Evans. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris qui se retrouvent là aussi. Profession du père de Sébastien Gnedig et Royal City, tome 1 de Jeff Lemire. Alors voilà, pour ces différents clins d'œil. Nous, on repart en musique, toujours avec Gamergate, et on poursuit donc cette émission, cette édition de La Vie en BD. Et donc toujours Gamergate qui nous accompagne lors de cette édition de La Vie en BD. Et il y a des sujets qu'on reporte à l'occasion et finalement les sujets s'accumulent. Et c'est le cas notamment de ce qui se passe du côté de la pastèque dans les derniers mois, la dernière année, voire même un brin au-delà. Beaucoup, beaucoup de belles initiatives. Certaines qui s'en viennent, dont on avait envie de signaler particulièrement. D'autres qui sont passées, qu'on juge incontournables également de mentionner. Alors on a décidé d'attraper l'éditeur Frédéric Gauthier en plein Salon du Livre de Montréal pour se mettre à jour en sa compagnie. Frédéric Gauthier, bonjour. Oui, bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, en fait, on a vu la pastèque dans la dernière année donnée dans divers axes entre le virtuel et le physique. On a livré une BD web tout garnie, on a annoncé des projets virtuels autour du facteur de l'espace. On a lancé en fait une version audio de Paul dans le Nord. On a ouvert aussi dans le physique une galerie boutique à Montréal. Est-ce qu'on est dans une démarche d'exploration ou sinon de diversification, d'élargissement des activités de la pastèque? On pourrait dire diversification, effectivement. Mais c'est vraiment une volonté nette à la maison d'édition de développer autour et avec nos créateurs dans leurs envies, dans leurs désirs, et nous-mêmes d'explorer à travers différents partenariats d'autres façons de faire vivre la bande dessinée ou l'album jeunesse sur différents supports. Tout garni, c'est un bon exemple. Ça a été un projet exploratoire pendant un an, et de là est découlé ces projets qu'on a annoncés pour le facteur de l'espace, la liste des choses qui existent, qui va être une web série en animation. À travers toutes ces aventures-là, on rencontre des gens comme l'ONF, Télé-Québec et d'autres partenaires, et l'intérêt est là, et on rencontre aussi que la qualité de création de nos auteurs, nos créateurs visuels, intéresse les gens. Et ils ont envie de s'associer avec nous, avec la pastèque, pour développer des projets. Et depuis 2 ans, il y a une belle croissance pour nous. Et donc, ça nous permet maintenant, là, on a une équipe un peu plus grande. L'espace pour se lancer dans ces aventures-là, sans qu'on dénature nécessairement ce qu'on fait à la base. On fait des livres et on va continuer de faire des livres. Mais on a envie d'en faire plus et on a l'occasion, alors on en profite. Effectivement, puis en même temps de favoriser à travers ça, bien, je pense que vous l'avez dit, la découvrabilité de la BD, donc on reste dans l'univers bâti autour du livre, mais autour duquel on extrapole, et dans un contexte où il y en a plusieurs aussi de ces créateurs-là qui sont passés pour certains par l'animation, qui ont un intérêt pour d'autres médiums, qui font l'illustration, qui eux-mêmes sont des artistes qui dépassent la sphère unique de la bande dessinée. Bien, tout à fait. Tant que les projets restent attachés et près des intérêts personnels et professionnels de nos créateurs, pour nous, ça semble tout à fait logique de les accompagner dans ces aventures-là. Et pour nous, c'est vraiment excitant de faire ces projets-là, parce que pour nous, c'est des projets qui, l'expérience du travail éditorial reste dans sa nature même, mm-hmm. est presque similaire, même si on change de format et de technologie. Et dans le registre de changer de format, le plus récent qui a été annoncé, c'est l'adaptation audio, dans le fond, de Paul dans le Nord. Dans un contexte, en fait, pour moi, adapter une BD en format audio, on change un peu le médium. D'où vient peut-être le projet, puis comment ça s'est passé, justement, pour réussir à faire de manière adéquate cette transition-là? Bien, ça, c'est vraiment Radio-Canada qui nous a approchés. Eux, je crois, avec la popularité là, des podcasts, des balados de diffusion, ces formats audio sont de plus en plus populaires, et ils ont un projet cet automne là, qui a été écrit par Samuel Archibald. Le titre m'échappe, là, mais c'est une espèce de thriller audio qu'ils ont développé, puis il y a eu un pendant multimédia sur le site. Et ils ont décidé de développer un projet plus large, parce qu'il y a Radio-Canada a déjà une offre très élargie de livres audio présentement. Et il y avait le goût d'aller un peu plus loin, et c'est eux qui avaient envie de travailler sur l'œuvre de Michel Rabagliati. Alors, ils nous ont approchés, on a évidemment été très intéressés, on s'est assis en comité, on a réfléchi au projet avec Michel, qui était très impliqué, et le choix s'est arrêté sur Paul dans le Nord. Et de là, après, Michel et la réalisatrice ont développé une relation de proximité pour développer le projet, qui s'est développé très rapidement. Parce qu'on s'est vu, je pense, début septembre, mais là, le projet va être diffusé à Noël. Donc, tout ça, c'était très rapidement. suis même le premier étonné. Tout ça, en plus, avec un casting de 27 acteurs, une musique originale et tout ça. Donc, ils ont une grosse machine autour de ça. Et même pour eux, c'est un peu expérimental comme projet. Je pense qu'ils souhaitaient retrouver un peu la magie des radiothéâtres des années 60-70, mais en prenant comme matière première un livre. Oui, puis en fait, le livre BD, où, dans le fond, contrairement peut-être au roman où tout est détaillé, dans ma tête, et je vais être très curieux de le découvrir aussi, comme beaucoup de gens, mais de voir comment on transpose l'aspect visuel de la bande dessinée dans le contexte de... Et j'imagine que c'est un peu à travers, exemple, les environnements sonores et le reste qu'on va aller chercher cette dimension-là, cette complétion-là. Tout à fait. Oui, en fait, pourquoi on a accepté aussi, c'est parce que c'est Radio-Canada, donc on sait qu'en termes d'équipe et de qualité de travail, ça va être top. Ils ont des professionnels qui travaillent dans ce milieu-là depuis longtemps, donc évidemment, tout ce volet visuel va être suggéré par les environnements sonores, la musique, les effets sonores, un peu comme le cinéma à l'ancienne, avec ils ont des salles de folie qu'on appelle là, pour faire des bruits, des bruitages et tout ça, donc ça va être bonifié. Et on va avoir vraiment l'impression d'être présent dans le récit. Et parallèlement, Frédéric Gauthier, en fait, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, et ça va nous amener tranquillement aussi vers le vernissage de la semaine prochaine. Donc, on a beaucoup de projets virtuels et de temps à souvent, en fait, au niveau commercial, on parle justement de passer vers le web et le reste. De votre côté, autour des activités du 20e ou dans la suite de, vous avez plutôt été vers le physique, vers l'idée d'ouvrir une galerie boutique et d'implanter un lieu ouvert, dans le fond. J'imagine qu'il y a toujours une dynamique de risque, justement, quand on dit, OK, il faut aller sur le web, se dématérialiser, de dire, au contraire, nous, on va se matérialiser, on va créer un lieu de rassemblement autour de notre proposition. Oui, c'est un rêve qu'on réalise là, pour notre 20e anniversaire. C'est un projet qu'on chérit depuis plusieurs années. On y croyait beaucoup, à cette idée-là. Puis, en fait, pour expliquer un peu le ce qu'on voulait accomplir avec ce projet-là, c'est... Puisqu'on est en plein salon du livre de Montréal, quand on est dans un salon comme ça, les gens peuvent voir toute notre production, tous nos livres. Bien que les libraires nous supportent et tiennent pas mal une grande partie de notre catalogue, quand on va en librairie, nos livres ils sont regroupés sur une tablette et tout ça. C'est pas la même expérience. C'est ce qu'on vit en salon, c'est les gens qui voient toute la production historique, et les nouveautés et tout. Puis nous, c'est ce qu'on voulait vivre, mais de façon annuel, de façon constante. Donc, ce lieu-là, on l'a réfléchi comme si on avait un kiosque de salon ouvert à tous les jours de l'année. Pour vous expliquer, c'est vraiment comme une salle de montre. Les gens ont accès à tout le catalogue depuis nos débuts. Et puis là, on s'amuse aussi parce qu'on a une galerie. Donc, ça, c'est un support pour donner de la visibilité à nos créateurs. Donc là, c'est des expos. Là, on finit Geneviève Godbout. On a fait d'autres expos autour d'Isabelle Arsenault et on va avoir notre expo des 20 ans qui s'en vient. Donc, on est en train de mettre la main dans la programmation. On développe des activités aussi avec des partenaires dans le quartier. Il y a le cinéma moderne qui est ouvert sur la rue Saint-Laurent avec qui on collabore pour des matinées scolaires. On fait des ateliers, des conférences. Donc, on veut que ça soit un lieu vivant et un lieu d'échange. Et puis pour nous, la richesse se tient dans la rencontre du lecteur et ce qu'on peut vivre à tous les jours. Oui, puis je trouve intéressant la dynamique que vous amenez dans l'idée de salon, justement, où on est en contact avec l'ensemble d'une ligne éditoriale, où on peut aussi s'amuser à voir, à saisir l'évolution de cette ligne-là, l'évolution de certains artistes. Et on est tellement, en librairie, entre autres, dans esclave un peu de la nouveauté, souvent. Donc, on perd un peu cet héritage-là, entre guillemets. Oui, tout à fait. Nous, on est très fiers de pouvoir rendre disponibles nos titres publiés il y a 17-18 ans. Comme ça, les gens peuvent comprendre d'où on vient, l'évolution, comme vous l'avez dit, là, l'évolution du catalogue, l'évolution aussi de notre travail comme éditeur dans la production et tout ça, les différences aussi, l'évolution des auteurs. Donc, ça donne accès à toutes ces choses-là. Puis nous, on est présents. Quand les clients entrent, c'est une personne de l'équipe qui va venir les rencontrer. Donc, on peut discuter s'ils ont des questions. Des fois, il y a des visites impromptues qui se font dans les bureaux. On a trois artistes en résidence permanente il y a Michel Rabagliati, Isabelle Arsenault et Geneviève Godbout qui travaillent dans nos espaces. Donc, ça donne vraiment une vision de toute la chaîne de production d'un livre, de la création jusqu'au livre final. Et on parlait d'animer cet espace-là, donc on a donné les bons éléments, et en parallèle, bien, vous l'avez mentionné, donc l'expo autour des 20 ans, il y a une expo qui s'en vient, donc qui s'appelle 20 fois la pastèque, et le concept, j'ai trouvé ça assez stimulant comme idée, en fait, où on invite, dans le fond, des artistes visuels à offrir une réinterprétation de certaines des pages couvertures de la pastèque des 20 dernières années. D'où est venue l'idée et pourquoi justement avoir été cogné à la porte des arts visuels pour offrir justement de la possibilité de ces remixes-là? Ben, l'idée vient de le prix Polaris qui a lieu à Toronto dans la musique canadienne. Ils commissionnent des artistes visuels pour refaire des couvertures, des affiches d'artistes qui sont en nomination. J'ai toujours trouvé ça magnifique, ce que ça donnait. Et aussi, les jeunes illustrateurs, beaucoup dans le monde du cinéma, refont souvent des affiches de films. Et ça m'a toujours intrigué, cette façon de réinterpréter une œuvre. Et donc, c'est un peu à partir de cette idée-là qu'on est lancé ce concept-là. Puis l'idée de travailler avec des artistes visuels, ben, c'est... Le but de notre galerie, puis d'avoir un lieu, c'est d'ouvrir plus large que juste les gens avec qui on travaille. Donc, on voulait absolument travailler avec des gens qu'on n'a jamais publiés, peut-être des gens qui sont très, très loin de notre univers, et d'ouvrir leurs portes de la pastèque à ces gens-là, qui connaissent peut-être eux, qui connaissent probablement même pas nos livres ou nos publications non plus. C'est cet échange-là, c'est dans cette rencontre-là que l'exercice d'un tel projet prend toute sa richesse. Et les résultats qu'on a commencé à diffuser sur Facebook en amont du vernissage, je pense que les commentaires sont très, très, très positifs. Nous, on était très excités de voir les résultats. Et en plus, c'est des affiches qui sont sérigraphiées en quatre couleurs, grand format. Donc, ça va visuellement là, sur le mur. Moi, j'en ai vu quelques-unes là, qui étaient fraîchement imprimé, c'est assez spectaculaire le résultat. Et comment s'est fait le choix des artistes visuels et comment le lien a été fait entre les artistes visuels et les pages couvertures? Oui, ben nous on a choisi les 20 titres de notre catalogue. Donc on y est allé par toutes sortes de réflexions, les titres pour des choix historiques comme Spoutnik, là, qui était notre premier livre, ou L'Appareil par exemple. S'assurer que tous les auteurs les plus important dans notre catalogue, en tout cas une bonne partie, soit représentée également. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait cette grille, cette liste de 20 titres. Et pour trouver les artistes visuels, ben on a des contacts, des connaissances dans ce milieu-là. On est parti de ça. Et on collabore avec l'événement Chromatique, qui, eux, font des événements avec des artistes visuels annuellement. Ils ont le festival et qu'on connaît depuis quelques années. Donc, à travers eux, on a pu établir des contacts avec des artistes. C'est pas non plus évident parce que les délais étaient très rapides. Donc, il y a des gens avec qui on aurait aimé travailler, mais c'était pas possible pour les délais. Mais au final, on est très heureux des 20 artistes qui l'ont fait. Et c'est eux qui ont fait le choix dans les 20 titres. Ils nous envoyaient trois choix et à partir de ça, on a fait des jumelages. Les titres, les livres ont été envoyés à ces gens-là. Ils ont pu les lire, en prendre connaissance. Et la commande était vraiment de refaire une nouvelle couverture. Donc, on retrouve le titre, les auteurs et le nom de la maison d'édition avec un visuel qu'ils vont imaginer. Et justement, au-delà de ce cadre-là, c'est un peu carte blanche, là. Oui, tout à fait. On voulait que leur style personnel à ces artistes-là, ce soit ça qui soit sur cette affiche. On voulait pas que l'idée de rendre un hommage ou de... que ça soit trop près de l'œuvre originale. Il y en a même un ou deux qu'on a dû pousser un peu plus loin. Mais sinon, on voulait leur style à eux et réinterprète la couverture d'un livre. Et ça, on découvre ça, le vernissage, en fait, c'est le 20 novembre à partir de 17h à la galerie boutique des éditions La Pastèque sur la rue Laurier-Ouest à Montréal. Et je mentionne aussi que l'exposition, elle, va être visible jusqu'au 13 janvier 2019. Donc, on a le temps d'aller les découvrir si jamais on ne peut pas être au vernissage le 20. Frédéric Gauthier, ben, je vais vous laisser retourner au Salon du Livre, comme on dit. Et ben, au plaisir de se recroiser. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Alors voilà, donc Frédéric Gauthier, je le rappelle, éditeur du côté de La Pastèque. beaucoup de projets en cours, sûrement d'autres sur lesquels on reviendra d'ailleurs au fil des prochaines éditions et entre autres, bien évidemment, cette exposition-là qui s'en vient donc dès le 20 novembre prochain. Alors nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se retrouve la semaine prochaine, notamment Bernard Boulade qui va nous jaser de La Guerre des Autres. Également, on aura Francis McNamee autour de la bande dessinée Le Retour. Alors c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.